قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا تيرى ويجب لي الفعل. قالوا وما الفعل؟ قال الكلمة الطيبة. Donc selon toujours Bukhari et Muslim, qu'Anas radiallahu anhu, il a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il n'y a pas de contagion, il n'y a pas de tayyara, et j'aime al-fa'l. Ils ont dit, c'est quoi le fa'l? Il a dit une bonne parole. Une bonne parole. Et le fa'l, là, une bonne parole, c'est en fait, comme un sayati, « Aza » نتطير لكن يسمى تفاؤل contrairement au تطير qu'on a appris qui était mauvais qui s'appelle تشاؤم c'est le mauvais présage اما تفاؤل c'est le contraire c'est le bon présage en fait que par la kalam que tu vas donner à quelqu'un tu vas le mettre dans une situation de bien-être ce qui va le motiver encore plus et l'inciter encore plus à obtenir ce qu'il veut contrairement au Tatayur, qui est Tasha'oum, qui lui le fait abandonner. En fait, c'est une forme d'encouragement. Car le kalam, il a l'influence sur les gens. Comme encore le Ta'ala. وَقُوا لِعِبَادِي يَكُلُ لَتِيَّ أَحْسَنِ إِنَا شَيْطَانِ يَنْزَرُ بَيْنَهُمْ إِنَا شَيْطَانِ كَانَ لِنْسَانِ عَدُوَنْ مُبِينَ Et dit à mes serviteurs de s'exprimer de la meilleure façon, c'est-à-dire entre eux. Car Shaitan, il cherche la moindre brèche. D'accord ? Pour faire le tahrish entre eux. Et que Shaitan, il est un ennemi déclaré pour l'homme. Donc, avec un kalam, comme l'éloquence de Bayen, le kalam que tu peux faire peut avoir des conséquences néfastes sur quelqu'un. Un kalam seulement. Tout comme le contraire, il peut avoir un côté très bénéfique pour quelqu'un. Une nasiha, une bonne nasiha, bilif, avec des adillah, quelqu'un qui était sur le point d'aborder un projet, avec une bonne nasiha, il est prêt, comme on dit, à remuer les montagnes. Parce que tu l'as motivé, tu l'as encouragé. Et la meilleure nasiha, c'est avec l'adillah. Le cœur est bien bil adillah. Wa kama qala ta'ala, qawlun ma'rufun wa ma'firatun khayrun min sadaqatin yatba'uha adha. Et qu'une bonne parole est meilleure qu'un pardon qui lui est suivi d'une nuisance. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-kalamatu at-tayyibah sadaqa. Que la bonne parole, d'accord, est une sadaqa. La bonne parole est une sadaqa. Donc des gens peuvent être démotivés par des mauvaises paroles. Moi, je me rappelle, au tout début, quand je voulais partir pour aller à Demmedj, au tout début, des frères sont venus de Demmedj et m'ont dit, il se passe ça, je te conseille d'y aller. J'ai abandonné, j'étais en Égypte, en premier. Je dis, j'irai plus tard à Demmedj. Ils m'ont découragé. Quand et d'autres personnes, ils n'avaient rien, peu, on va dire, de porte devant eux, et ils ont pris une nasiha de quelqu'un, ils disent, arrive, fonce, tawakkal Allah, tu verras, tu peux le regretter, ils sont partis. Un jour, ils étaient en stress, le lendemain, ils étaient épanouis. Une kalima qu'ils ont entendu. Une kalima. Des gens peuvent te mettre en situation de peur avec une kalima. Ou le contraire. La bonne parole. Tu vois. T'as des gens, des fois, une chose, elle les atteint même à cause de ce qu'ils ont dit. Comme chose mauvaise. Tellement ils sont pessimistes, voyez, et tellement ils sont défaitistes, que si Alain, ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent faire. Alors qu'ils ont les moyens d'y arriver. Mais ils disent, j'y arrive pas, et Kaza, tu le vois, il va pas de l'avant. Et si Alain, tu vois, ça aboutit pas. Et d'autres, ils ont peu, mais ils sont motivés. D'accord? Et ils veulent vraiment aller de l'avant. Et, يوفقون pour des mecs qu'ils ont entendu et ils agissent et ils réussissent même chez les koufars tu vas le voir ça c'est un effet ce que tu veux dire à quelqu'un tu peux le décourager le démoraliser et le contraire tu as des gens ils ont fait des actes à la base c'est haram des actes genre de fou à cause de quelqu'un qu'on leur a dit tu vois tu sais si tu fais ça il va t'arriver ça franchement c'est de la bombe comme ils disent ah ouais hop ils foncent et faire un truc de fou pour une kalima qu'on lui a donné. C'est pas influencé. Et pour eux, pour le koufar, je parle dans une chose, dans un wedge, pour eux, c'est un bien. Pour nous, c'est haram, s'ils vont faire. Mais lui, il va entendre ce truc-là, il va foncer. Tu vois? Il va foncer. Par exemple, t'as un homme, il est attiré par une femme, c'est une femme, elle est trop belle. Et lui, il dit, bon, voilà, quoi. Et l'autre, tu lui dis, mais non, c'est pas le physique qui compte, c'est Kaza, c'est Kaza. Si tu fais ça, tu vas voir, tu vas y arriver. Il dit, ah ouais, ouais, ouais. Il va voir, la femme, il a séduit. Alors qu'à la base, il est loin de ça. Il a séduit. Bon, ainsi de suite. Donc, le câlin de quelqu'un, quand il y a qu'une fille, t'as sha'oum, quand il y a qu'une fille, t'as fa'oum. Mais là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam parle du fa'al, shad'i. Les exemples que je donnais, c'est par rapport au koufar, tu vois. Pour te dire que même, dans ce qui n'est pas bien, tu motives, il va agir. Et dans ce qui est bien, tu vas le démotiver, il va abandonner. Parce que nous, dans ce qui n'est pas bien, quoi qu'on dise, on n'agit pas, de toute façon. Tu vois, shar'an. Donc, attention à ce qu'on dit aux gens. Même aujourd'hui, le Covid, là, ce qui se passe. Tu dis à quelqu'un, il a le Covid, khalas, c'est fini. Tu lui dis, t'as un rhume, t'as une grippe, bon, tranquille. Tu dis, t'as le Covid, alors là, c'est bon, il s'effondre. Il s'effondre, il voit la mort devant lui. Il voit la mort devant lui. Donc ce qu'on dit aux gens, c'est très important. Allah yu'assir fihim. Allah yu'assir fihim. Tu peux enlever la peur de quelqu'un par une kalima, et tu peux entrer la peur dans le cœur de quelqu'un par une kalima. Alors qu'à la base, il n'y a rien de tout cela. Tu vois? Mais voilà. C'est pour cela que le khatib, quand ils vont sur le minbar, il est khutba, d'avoir les bonnes paroles. D'accord? Quelqu'un qui fait une muhadara, il doit avoir les bonnes paroles. Quelqu'un qui fait une nasiha, il doit avoir les bonnes paroles. Car ça joue sur la personne. Il y a une masoulia derrière. Et chacun, avec le terme, avec le ton qu'il faut. Des fois, il faut être dur. Des fois, il faut être doux. Encore le ta'ala. Wa zakir bil Qur'an man yakhafu wa'id. Il rappelle avec le Coran ceux qui ont peur de ma menace. C'est-à-dire la meilleure nasiha que tu peux faire à quelqu'un, c'est pas les adillah. Dans le djinn. Tu lui rappelles des versets, des fois un verset, il y a qui. Un hadith, il y a qui. Dans une situation, parce que le hadith, des fois, tu l'oublies. Le verset, tu l'oublies, on te le rappelle. Tu dis, non, j'ai pas pensé à ça. Alors, t'agis. Directement. Ou tu donnes un exemple de quelqu'un que tu connais. Un frère, il y arrivait telle et telle chose, regarde, kada, kada. Ah ouais, c'est vrai, subhanallah. Hop, ça motive. فالفعل هذا هو الذي يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم et ça rend notre tailleur mais dans le bon côté notre tailleur